afternoons I'm confused, I don't know if we really should go. Won't you? Won't you? Brothers and sisters, I warn ya. Where are you? Brothers and sisters, I give you all my love, I give you all my soul. Come on. de loi, ces interdits, les zones dont, dans le 3, tu interprètes, zones d'ombre. Au plus malin, le plus fort. Par GPS. Quand le bateau voit la baleine, c'est trop tard. C'est la beauté du monde. Un câble sur son bateau. C'est la beauté. Comment il s'appelle le héros de Moby Dick, hein? Il s'appelle comment le héros de Moby Dick? C'est la beauté du monde. Attends. Un câble, c'est autre chose. C'est la beauté. La beauté du monde. Ouais. Puissance naturelle. Les montagnes, les rivières. Joyeux pionnier. don't know. I woke, but I'm not alone. I got my pain. There's no another. There's no other point of view but fame. En formation. Oh, can't you be? Oh, can't you be woke? Another Lord, this is another Lord. Oh, this is another Lord. If you are Lord, right any world, if you'll be burned. Right, you'll be sacrificed. De l'escalier de glace, le plafond de verre. Raconte-moi ta prise de parole. De cristal, le plafond. Bientôt, en bas des marches du palais. Bientôt, on pourra se parler, camarades. Bientôt. Come on, Yannick. Yeehaw! Thank you very much. It's a pleasure to explore sounds. And now, chacun à son domicile. What's That? C'est l'étoile, Stella, Splendide. Thank you very much. Such a day with you. Share, share. Able to listen again. Les feuilles mortes se ramassent dans la verre. Non, c'est pas du tout le bon accord. Why not? It's been a long time. C'est pas si facile, non. On passe en mineur. Chaba poyo poyo tom tom ticket. Thank you. devant moi. Alors je crois savoir tout sera pire. International. Je parle en français. Oh. collectif. Comment l'existence se trouve de chair de penser. Comment les traces musiques neurosystème. Here we go. événements.